Chapitre 2e, la vie pour enjeu. Les habitués du Hard Times Saloon se sentirent brusquement arrachés au train-train ordinaire des choses en découvrant qu'un homme existait, capable non seulement d'affronter sans peur Brazos Bill, le desperado, mais de lui lancer au visage des paroles qui sonnaient claires. Une autre cause de surprise et d'émotion, c'était le nom donné modestement par l'étranger. « On m'appelle Buffalo Bill », avait-il dit. Or il n'y avait pas dans la salle un homme auquel ce nom ne fût familier. Il y en avait quelques-uns qui connaissaient personnellement, ou tout au moins de vue, le grand batteur d'estrade. Mais tous avaient entendu parler de l'homme et de ses exploits. On racontait cent étranges histoires sur Buffalo Bill et ses audaces, sur les périls où il s'en était fallu de l'épaisseur d'un cheveu qu'il ne succomba, et sur ce qu'il avait fait pour le bien de la frontière, depuis les sources du Missouri jusqu'à la région du Rio Grande. Ce qu'il était, tous le savaient. Mais lui, sûrement, il ne pouvait pas savoir, sauf qu'aucun ne n'ignorait, que Brazos Bill était un tireur infaillible, un géant pour la force, un joueur constamment heureux, un terrible manieur de Bowie Knife et un gaillard qui jamais ne reculait devant un adversaire. Non, certes, il ne le savait pas. Comment supposer qu'il aurait, le sachant, si audacieusement relevé le défi du tigre du Brazos? Quant à Tom Lane, il ignorait qui son hôte était jusqu'à ce que celui-ci eût déclaré son nom. Il avait bien senti que ce n'était pas un homme ordinaire, qu'il y avait dans ses manières calmes et distinguées quelque chose qui commandait le respect. Mais maintenant il pensait que si c'était véritablement Buffalo Bill, c'était un homme à ne pas fâcher. Il pressentait que Brazos Bill aurait du fil à retordre. Mais en se représentant tout ce qu'était cet individu, l'effroi du Texas, il se disait lui aussi que Buffalo Bill avait commis une erreur en se découvrant comme il l'avait fait. Il voulut essayer de donner à entendre plus clairement à l'éclaireur militaire, au scout, comme disent les Américains, ce que valait le desperado, quel homme de violence et de crime c'était, et il se dirigea vers la table où tous deux étaient debout l'un devant l'autre. Mais Brazos Bill ne lui en laissa pas le temps. Tom Lane était encore loin de la table qu'il avait déjà répondu à Buffalo Bill. Le silence qui avait suivi les paroles de celui-ci ne dura qu'une demi-minute à peine. « Je n'ai jamais joué des enjeux semblables. De l'argent, voilà ce que je joue », avait déclaré Brazos Bill. « Vous mentez quand vous dites cela, Brazos Bill, car vous connaissant comme je vous connais, j'ai le droit de dire que vous jouez journellement votre vie et vous gagnez tandis que beaucoup de pauvres garçons perdent. » Les mots se succédaient rapidement, ils montraient que Buffalo Bill connaissait son homme. Brazos Bill jeta vivement un coup d'œil autour de lui. Il put lire l'expression des visages. Il vit qu'il était engagé dans une mauvaise affaire et qu'il pourrait bien avoir à payer la musique. Il cherchait une échappatoire et il parvint à dire « Si vous venez ici pour me chercher querelle, il vaudrait autant convenir de régler cela demain, dans un meilleur endroit. Non, c'est maintenant l'heure. Demain, vous ne seriez plus ici. Je suis venu pour vous, Brazos Bill, pour vous arrêter comme déserteur de l'armée, assassin et voleur, et je trouve que c'est maintenant le temps et le lieu. Je vous offre une chance de vivre en jouant, comme je le fais, ma vie contre la vôtre. » Brazos Bill était livide. Il aurait volontiers tiré son revolver pour en finir sur le champ. Mais Buffalo avait la main sur son arme et il savait que d'autres étaient prêts à prendre le parti de celui qui l'accusait. À tout hasard, il cria « Camarade, je connais bien Buffalo Bill et ce n'est pas cet homme. » « Parfait. J'accepte les risques de le représenter dans ce jeu. » Et les yeux rivés sur son antagoniste, il continua. « Maintenant, Buffalo Bill ou non, je suis un officier de l'armée en service commandé. Je vous préviens donc de ne pas vous mettre en révolte contre la loi. » Ces mots eurent un grand effet et Tom Lane cria. « Dites-moi, Brazos Bill, vous avez lancé un défi et ce gentleman l'a accepté. Donc arrière, comme un roquet battu, ou relevez-le. » « Je vais le relever, et vivement. » Si nous jouons avec des cartes qui ne sont pas marquées, riposta Brazos Bill dans son grossier jargon de frontière que son émotion lui avait fait oublier tout à l'heure. « Je vous prierai de fournir les cartes, monsieur, » dit Buffalo Bill en s'adressant au patron. Il ajouta « En trois coups, sec, le perdant subira une fois le feu du gagnant. S'il est manqué, tous deux tireront à volonté. Est-ce bon jeu ?» Une acclamation répondit oui, et en moins d'un instant, Brazos Bill se vit dans l'impasse. Tom Lane fit venir un jeu de cartes neuf. Les deux hommes s'assirent l'un en face de l'autre à une table au milieu de la salle, et tous les autres les entourèrent debout dans une attente muette. Brazos Bill sentait parfaitement qu'il y allait cette fois de sa réputation et de sa vie. Buffalo Bill alluma un cigare, battit et coupa, donna les cartes, et le jeu commença. Buffalo Bill gagna la première partie. Une rumeur de voix assourdie flottait dans toute la salle. Chacun des assistants était pâle et semblait plus ému que les joueurs. Buffalo Bill se montrait parfaitement indifférent. Quant à Brazos Bill, il avait l'air d'être en fer. Ses yeux flambants et le mouvement de ses mains faisaient seul voir qu'il était en vie. Il venait de gagner la seconde manche et il donnait pour la dernière partie. « Si vous essayez de tricher, je vous tue sans avertissement. Tenez vos mains sur la table, monsieur, et s'il sort une carte de votre manche, c'est votre arrêt de mort. » Un silence suivit ses mots dits avec calme. Brazos Bill le rompit pour dire d'un ton qu'il voulait rendre sarcastique. « Je ne veux pas me quereller avec un homme aussi près de la mort que vous. » Buffalo Bill sourit à cette preuve que Brazos Bill dominait encore ses nerfs. À la façon dont la partie fut jouée, on sentait qu'à chaque carte était suspendue une vie humaine. En même temps que Buffalo Bill jetait sa dernière carte, il allongeait le bras gauche, un pistolet de dernière au poing, disant « Non, ne tirez pas, et avalez votre médecine comme un homme. » Tout le monde vit qu'il n'avait fait que prévenir le geste de Brazos Bill, lequel avait un revolver tout près sur les genoux. « J'ai gagné, et votre vie est l'enjeu. Je ne la prendrai pas. Je laisse cela à la justice militaire. Vous êtes mon prisonnier, Brazos Bill. » Un hurlement monta de la foule, moitié acclamation pour la victoire de Buffalo Bill, moitié grognement d'espoir déçu en se voyant frustré du spectacle sur quoi elle comptait. « Patron Lane, voulez-vous mettre les fers à cet homme ?» reprit Buffalo Bill en tendant une paire de menottes d'acier. Comme Tom Lane s'avançait pour le faire, Brazos Bill tendit les mains, mais l'une d'elles tenait un revolver dirigé contre Buffalo Bill. Il eut une brève détonation suivie d'une autre, comme d'un écho. La balle de Brazos Bill avait percé le bord du sombrero de Buffalo Bill. En réponse, celle du scout fracassa le crâne du desperado. Et alors Buffalo Bill resta sur ses gardes, immobile, s'attendant à une attaque des camarades de Brazos Bill. « Je suis venu par ordre m'assurer de cet homme. J'ai dû le tuer, » dit-il en regardant la foule, prêt à faire face à tout ennemi.